Et pour terminer cet aperçu de l'œuvre du symboliste Jules Laforgue, voici deux poèmes publiés après sa mort. Guitare. Vous qui valsez ce soir, fière et fine mondaine, pâle, en brocart noir lacé d'or, et parmi votre cour, passez comme une reine, et cet éblouissant décor, riche, noble, envié, exquisement aimé, vous qui souvent à l'opéra, écoutiez de profil, pur et calme camé, un jour qui n'est pas loin viendra, un jour où quelque prêtre, ayant mis en offrande l'huile sainte sur votre front, en votre plus beau drap de toile de Hollande, vos gais héritiers vous coudront. Puis, dans votre cercueil, doux enfant qui sommeille sous le drap noir d'un corbillard, conduit par un cocher ivre encore de la veille, vous insultant pour un retard, lentement, vous irez dans cette triste église où le dimanche d'autrefois, vous vous abandonniez, frêle, en toilette exquise, dans l'ouragan d'orgue et de voix.